Chapitre 48e. Avez-vous des principes ? Demanda M. de Kerquebue lorsque, dans un salon du Café Riche, il se trouva attablé devant le capitaine. Des principes, moi ? Mais certainement. J'en ai de toutes sortes, politiques, culinaires, religieux. Est-ce que vous voulez me faire subir un examen de conscience ? Je voulais tout simplement vous demander si vous étiez du même avis que moi, à savoir qu'on ne doit causer affaire qu'après avoir vidé chacun sa bouteille. Là-dessus, mes principes sont plus sévères que les vôtres. Je me croirais damné si je parlais sérieusement avant d'en avoir vidé au moins deux. Mettons trois, s'écria M. de Kerquebue, calculant que ce vin, si cher qu'il coûta, était de l'argent placé à gros intérêts, et de plus qu'il en prenait sa part. Mettons quatre, si vous voulez, répliqua le capitaine. Est-ce que ce soudard serait en état de me tenir tête ? Se demanda M. de Kerquebue avec inquiétude. Mais il ne laissa pas paraître ses craintes et son verre plein, saluant le capitaine. « Vous m'allez ? Vous avez l'air d'un bon vivant. »« Et vous donc ?» répliqua le capitaine. « Oh, moi !» répondit M. de Kerquebue, ne voulant pas se faire redoutable. « J'ai été, je ne suis plus. Encore des intentions, mais voilà tout. »« Savez-vous à quoi je pensais en vous regardant tout à l'heure ?»« C'est que ma femme, dans son exil au fond de la province, était bien heureuse d'avoir trouvé la compagnie d'un galant homme tel que vous. La vérité est que je la fais quelquefois rire. « Alors je suis votre obligé, » dit le capitaine en lui tendant la main à travers la table. « Oh, il n'y a pas de quoi !» s'écria M. de Kerquebue en riant aux éclats. « C'est égal. Si je n'avais pas donné ma parole d'honneur au marquis de la laisser à Rudemont, je la ferais revenir. Je ne peux pas vivre sans elle. Farceur, c'est comme je vous le dis. Avec cela que vous m'avez l'air d'un saint, et vous ?» Sur un pareil sujet, les confidences pouvaient aller loin. Elles se prolongèrent jusqu'à la quatrième bouteille, sans que ni l'un ni l'autre des deux convives donnât signe du plus léger trouble. « Il est solide, le vieux, » se disait le capitaine. « Voilà un gaillard qui va vider les caves sans se griser, » se disait M. de Kerquebue, pensant avec une certaine angoisse à l'addition. « J'en serai pour le vin, et je ne gagnerai pas un sou sur le prix de mes preuves. » Alors il se décida à risquer un coup désespéré. « J'ai une habitude, une vieille habitude, que je vous demande à observer. Un principe, alors. « Précisément. » C'est au milieu de mon dîner de faire un trou, comme on dit chez nous, avec un verre de cognac. Vous ne me laisserez pas le faire seul, j'espère. Comment donc ? Demandez un flacon de cognac, si vous voulez. C'était sa réserve que M. de Kerquebue appelait à son aide. Ayant vraiment, comme il l'avait dit, l'habitude de boire du cognac au milieu de son repas, il avait espéré que cela lui donnerait un avantage sur le capitaine. Mais celui-ci ne parut pas plus troublé par le cognac qu'il ne l'avait été par les vins. On gagna ainsi le dessert. Alors, le capitaine mettant ses deux coudes sur la table et regardant M. de Kerquebue en face avec un sourire narquois. « M. de Kerquebue, dit-il, vous avez vendu des chevaux plus d'une fois dans votre vie, n'est-ce pas ? Pourquoi cette question ? Pour vous dire que, moi, de mon côté, j'ai passé plusieurs années de mon existence à en acheter. Ainsi, pas de finasserie de maquignon entre nous, n'est-ce pas ? Nous sommes aussi malins l'un que l'autre. Quant à nous griser réciproquement, nous y arriverions sans doute. Seulement, comme ce serait en même temps, cela ne donnerait davantage ni à l'un ni à l'autre. Nous aurions mal aux cheveux, voilà tout. Jouons donc carte sur table. J'ai un papier entre les mains que vous avez intérêt à faire passer entre les vôtres. Partons donc de là. Je suis perdu, dit M. de Kerquebue d'un air bonhomme. Si vous m'attaquez par la franchise, c'est exactement comme si vous me preniez mon argent dans ma poche. Me voilà incapable de le défendre. Et moi ? En vous voyant ainsi, je me sens incapable de vous refuser ce petit papier qui pour vous contient une fortune. » Disant cela, il mit sur la table la lettre de Balbine pliée en quatre. Aussitôt, M. de Kerquebue étendit vivement le bras, mais le capitaine posa sur la lettre sa main étendue. « Tout à l'heure, » dit-il. À ce moment, le sommelier se préparait à déboucher une nouvelle bouteille, mais M. de Kerquebue l'arrêta. « Non, assez comme ça, arrêtons les frais. » Puis, quand le garçon fut sorti, « Voyons. » « Combien me vendez-vous cette lettre ?»« Moins cher qu'elle ne vaut, car pour vous, elle vaut la fortune du marquis de Rudemont, 7 ou 8 millions. »« 7 ou 8 millions, la fortune du marquis. »« Qui vous a dit une pareille bêtise ? 1 million à peine, et encore, trouvera-t-on bien des charges ? Les bâtiments sont en mauvais état, on a fait des coupes sombres dans les bois. »« Assez là-dessus, je connais cette balançoire. »« Que la fortune du marquis soit ceci ou soit cela, il y a un fait certain, c'est que sans cette lettre, elle vous échappe. » Tandis qu'avec cette lettre, elle vous revient. je ne vous demande pas 1 million. Donnez-moi 100 000 francs, la lettre est à vous. » Monsieur de Carquebus fut pris d'un fou rire. « Ça vaut le dîner, 100 000 francs. Tapez-la, vous êtes mon homme. 100 000 francs, tapez donc. » Puis comme le capitaine ne bronchait pas, « Je vois avec plaisir que le vin vous rend gai, » dit-il, « et moi je suis heureux de constater que le cognac produit le même effet sur vous. C'est une preuve, ce papier que vous tenez là, sous votre main, comme si j'allais vous le prendre. La preuve que monsieur le marquis de Rudemont n'est pas le père de la fille d'Emma Lajolet, parfaitement. S'il en est ainsi, je vous offre 1 000 francs. Je dis 1 000 francs, pas un sou de plus, pas un sou de moins. » Sans répondre et sans montrer la plus légère surprise, le capitaine sonna. Un garçon entra. « Une bougie ? » demanda le capitaine. Quand la bougie allumée eut été posée sur la table, le capitaine roula la lettre comme pour en faire une allumette. « Qu'allez-vous faire ? » demanda M. de Carquebus en lui retenant la main. « Allumez mon cigare avec cette lettre. Je vous en donne 2 000. » Le capitaine approcha le papier de la bougie. « 3 000 !»« Vous savez, » dit le capitaine en riant, « c'est ici le contraire d'une adjudication devant le notaire. » Tant que le feu n'est pas allumé, on peut en chérir. Allumé, il est trop tard. À 3 000 francs, personne ne dit plus mot. Une fois, deux fois, c'est bien vu, bien entendu. Voyons, mon cher ami, dit M. de Carquebus avec douceur. Vous savez bien qu'avec 500 francs, je trouverai facilement quelqu'un qui me débarrassera de cette jeune fille et d'une manière plus agréable encore que votre lettre, sans explication avec le marquis. Et le remords, vous le comptez pour rien. Ne vous faites pas plus dur que vous n'êtes. Je suis certain que si vous recourriez à ce moyen, et si vous ne l'avez pas encore employé, c'est qu'il vous répugne, vous en auriez des remords. Estimons les remords à 500 francs pour les messes, ça ne fait en tout que 1 000 francs, et vous voyez que nous sommes loin des 100 000 que vous demandez. 100 000 francs, mais mon bon ami, où voulez-vous que je les prenne? Il faut de la raison. Pensez donc que je suis l'ami de votre femme, c'est elle qui m'adresse à vous. Allons, mettons 3 500, je paye le dîner et n'en parlons plus. Le capitaine s'attendait à une résistance, mais non à ses marchandages de paysans. Il comprit qu'il serait obligé de réduire singulièrement ses exigences, sous peine de n'avoir rien. C'était un homme qui savait bravement faire la part du feu. « Donnez-moi 25 000 francs et plus un mot. »« Mais, plus un mot ou j'allume ?»« Allons, allons, pas de colère, ne vous emportez pas. Et comprenez-moi quand je vous dis que je ne peux pas acheter chat en poche. Vous m'assurez que c'est une preuve que vous avez aux mains. »« Mais vous pouvez vous tromper. » Avant d'aller plus loin, laissez-moi lire cette lettre. Si vous la lisez, vous pourrez me la laisser pour compte et me rironner quand vous saurez ce qu'elle renferme. Et si je vous l'achetais sans la lire, c'est vous qui pourriez me rironner après m'avoir donné un papier insignifiant. Monsieur de Carquebus. Capitaine. Mais la querelle n'alla pas plus loin. De la main droite, le capitaine présenta la lettre ouverte et en même temps il tendit la main gauche. Mettez 3 000 francs dans cette main et lisez. Je vous donne ma parole que vous ne regretterez pas votre argent. Monsieur de Carquebus hésita un moment. Enfin, il tira d'un portefeuille 2 billets de 1 000 francs et les mettant dans la main du capitaine. « C'est tout ce que je peux. Ma parole d'honneur, c'est tout ce que je peux. » En même temps, il cueillit rapidement la lettre et la lut à mi-voix. « Comment ? C'est là ce que vous appelez une preuve ? Un témoignage n'est donc pas une preuve pour vous. Mais ce témoignage n'affirme pas que le marquis n'est pas le père de Denise. Il dit seulement que 2 autres peuvent réclamer cette paternité. Cela ne vous suffit pas. « Ce n'est pas là ce que vous m'aviez annoncé. Vous m'auriez fourni une preuve complète que le marquis n'était pas le père de cette petite. J'aurais été bien jusqu'à 10 000 francs pour vous la payer. Mais ça n'est qu'un tiers de preuve. Ça ne vaut que 3 000 francs. Vous avez reçu 2 000 francs à valoir. C'est 1 000 francs que je vous redois. Les voilà. » Disant cela, il serra vivement la lettre dans sa poche et posa un billet de 1 000 francs sur la table. Le capitaine voulut se fâcher, mais M. de Carquebus cria plus fort que lui. On se traita réciproquement de filou, puis on finit par se calmer. « Vous ajouterez 500 francs pour que je fasse un cadeau à ma femme, » dit le capitaine. « Je le ferai moi-même, » répondit Monsieur de Carquebus. « Nous le ferons ensemble. »« Entendu, seulement c'est moi qui le lui offrirai. » On fit le soir même l'achat de ce cadeau, et le lendemain, Monsieur de Carquebus remonta en chemin de fer. Mais en descendant à la station, au lieu de se faire conduire à Rudemont, il prit l'omnibus de Condé-le-Châtel. Avant tout, il voulait voir son neveu.